Les éditions de l'avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Van Rue. Cycle 2, Atlan et Arcanis. Le fascicule allemand numéro 70, Les derniers jours d'Atlantis, écrit par K.H. Schier en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 31, L'agonie d'Atlantis, paru chez Fleuve Noir en 1975. Le 5 mai 2042, il s'avère que le passage de Reginald Bull dans le physiotron, ne s'est pas bien passé et a des effets inattendus, il commence à rajeunir. D'ici 3 semaines, il sera redevenu un nourrisson. La seule solution consiste à lui faire subir la douche cellulaire dans l'entre-espace. L'appareil est démonté et installé sur une plateforme anti-gel. Le Drusus ouvre une fenêtre vers l'univers des Drufs au moyen de son chronoclaste et la plateforme passe à travers. À la surprise des terriens, le temps ne s'écoule que 4 fois plus lentement. Les conditions de l'entre-espace sont simulées en concentrant de l'énergie sur la cloche protectrice. Bull entre dans le physiotron alors que plusieurs chaloupes les protègent de l'intervention de vaisseaux Druf. Le traitement terminé et réussi, ils retournent sur Delos. Là, ils sont informés que de nouvelles planètes ont été dépeuplées. Pour Atlan, ces disparitions ont pour but d'équilibrer les flux temporels. L'immortel contacte l'émir et lui dit qu'il a perdu une partie de sa masse psychique et a besoin de repos. Une de ses phrases a un grand effet sur Atlan et ses souvenirs du temps d'Atlantis reviennent en surface. Atlan, qui se trouve toujours dans le système de l'Arsaf, reçoit un message du Conseil des Sages. Il doit faire de l'Arsaf une base avancée de l'Empire, défendre le système et favoriser la colonisation. Aucun renfort n'est envoyé contrairement aux demandes d'Atlan. Le croiseur rapide, Matoni, repart avec un message pour l'Empereur. Si Atlan n'a pas reçu de renfort d'ici quelques semaines, il abandonnera le système. Peu après, une chaloupe du Tosoma se pose en catastrophe sur Atlantis. Son commandant annonce qu'un champ de relativité est en train de se déployer sur l'Arsa. Il a aussi vu un gigantesque entonnoir se former dans l'espace d'où sont sortis 4 navires inconnus qui l'ont attaqué. Le Tosoma et le Peito partent pour l'Arsaf 2. Après 8 jours d'attente, les nefs inconnus se présentent. Atlan les étudie et note qu'elle ne traverse les vortex que si elle reste stable au moins 3 heures. Quand des vaisseaux apparaissent à nouveau dans un vortex, les 2 croiseurs d'Atlan passent à l'action. Ils se matérialisent devant l'escadre ennemie qu'ils détruisent, puis plongent dans le vortex. Ils émergent dans un cosmos où la couleur dominante est pourpre. Après avoir attaqué une planète possédant des astropores et des usines, ils retournent dans l'univers normal. Ils apprennent à leur stupeur que 9 jours s'y sont écoulés. Une 100aine de navires est en train d'attaquer l'Arsaf 3. Ils se jettent immédiatement dessus, le Peto est détruit et le Tosoma touché à mort. Comme la seule personne pouvant ouvrir la coupole sous-marine et encore en vie est Atlan, il est contraint par son ami Tarx à quitter le bord. En compagnie du lieutenant Cunard, Atlan gagne la surface avec un triskaf. Là, il est témoin de la destruction du Tussoma. Atlantis étant ravagé par des explosions atomiques, Atlan et Cunard passent 4 mois en animation suspendue. À leur réveil, ils ne trouvent en surface plus que des primitifs. Cunard est tué par un barbare du Nord, Atlan reste seul. Il installe un appareil devant réagir au moindre ébranlement du continuum, puis se met en hibernation pour 500 ans, le robot Rico étant chargé de veiller sur lui. Après le récit d'Atlan, le Drusus quitte Delos. Le fascicule allemand numéro 71, L'erreur du saut du tigre, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 31, L'agonie d'Atlantis, paru chez Fleuve Noir en 1975. Le cargo Orénoc est arrivé à Terrania avec un trou de 6 heures dans son emploi du temps. Les services de sécurité déterminent qu'il a été suivi par des nefs arconides équipés d'anticompensateurs de structure. Un plan est mis au point pour détourner un moment l'attention du régent. Le 19 juin 2042, le cargo Tigre, commandé par le major Clyde Austal, se dirige vers un point de l'espace censé représenter la Terre et dont les coordonnées sont inscrites dans le cerveau P. Toutes traces de plongées antérieures sont détruites. Il simule ensuite une transition vers la planète Gozul, mais émerge dans le système de Naral. La troisième planète du système est Ekas, dont les habitants, les Éconides, présentent toutes les caractéristiques des anciens Arconides. Le tigre est abordé, les Éconides étant ravis de cette prise, persuadés qu'il est arrivé là par erreur. Les 33 terriens, membres de l'équipage, sont amenés à la surface et enfermés dans une prison. Le général Sutok, un Arconide commandant les forces impériales, exige de les passer au psychodélieur, s'opposant à Aegor, l'Éconide chef de la défense planétaire. Le Lotus est équipé d'un annulateur C, neutralisant l'effet des anticompensateurs de structure. Cet appareil doit être produit en série. À bord se trouvent Perry Rodden et les trois mutants Felmer Lloyd, Kitai Shibashi et Tako Kakuta. Le Lotus contacte le navire franc-passeur MAB-1, mais les terriens se rendent compte que quelque chose ne va pas. Ils sont en effet accueillis par Mabdan 3 au lieu du patriarche Mabdan 1, au mépris de toutes les règles en vigueur chez les marchands galactiques. Il est sous le contrôle d'un bloc mental. L'hypercom communiquant toutes les conversations aux régents est désactivé. Perry Rodden et ses compagnons arrivent sur Ekas à bord du MAB-1 et se mettent à la recherche des prisonniers évadés. Les 33 terriens prisonniers sur Ekas s'évadent nus en profitant d'un examen médical et trouvent refuge dans la forêt. Ils tombent sur un astroport camouflé et le major Austal est capturé. Il est amené devant Aegor, mais Sutok, qui l'a appris, exige que le prisonnier lui soit remis. Les autres terriens prennent contact avec des francs-passeurs et se font ramener à l'astroport. Ils sont aussitôt pris en chasse par les hommes de Sutok. Les mutants interviennent alors. Grâce aux facultés du fascinateur Kitai Shibashi, les terriens fugitifs, Austal, Rodden et les mutants parviennent tous à gagner un navire Éconide. Celui-ci fuit Ekas, pourchassé par la flotte Arconide. Le vaisseau est détruit, mais tous les hommes ont pu regagner le Lotus. Le fascicule allemand numéro 72, Les ambassadeurs de Rigel, écrit par Kurt Marr en 1963, ne fut pas traduit en français. Sur Elgir, un vaisseau auxiliaire de l'aventureux est réparé. Rebaptisé Fair Lady, il doit se rendre sur la planète des Quinan pour bannir à jamais tout danger d'invasion. Il décolle le 16 août 2042. Afin de ne pas être reconnu, les 13 hommes de l'équipage parlent français. Le vaisseau est accueilli avec face sur Iinini. Ijuriri, le roi président, se montre civil et les accueille au palais. 3 hommes restent toutefois en secret à bord du Fair Lady. Les Terriens se présentent comme des ambassadeurs de la planète Origel, située à 7 années-lumière de là. Des Quinans s'introduisent dans le Fair Lady en l'absence des Terriens et photographient des documents qu'ils déchiffrent ensuite. Il s'agit toutefois de lettres laissées volontairement et décrivant Origel comme une grande puissance militaire. Les Terriens se promènent en ville et, dans un bar à bière, rencontrent un Quinan qui les convie à un rendez-vous secret. Parallèlement, pour semer la confusion sur Iinini et détourner ainsi l'attention d'Algir, ils placardent des affiches invitant à la révolte contre les visiteurs. Gunther Chelish et Horace O'Mullen rencontrent le mystérieux Quinan qui fait partie d'un mouvement de résistance. De son côté, Fishgul, l'aide de camp de l'amiral Winnie, remarque des ressemblances entre la langue des visiteurs, le français, et celle des occupants de la planète 7, Wili-Wi, Elgir. Il finit par découvrir que le nom Fair Lady vient de la langue des étrangers sur Wili-Wi et que les soi-disant ambassadeurs d'Origel sont des imposteurs. Les Terriens sont arrêtés lors d'une incursion en ville, les services secrets ayant placé des micros dans leurs voitures. Environ 200 hommes cherchent à s'introduire dans le Fair Lady, mais le bouclier protecteur se met en place. Dans sa cellule, Chelish est interrogé par G-Yip, le chef des services secrets, et torturé. Il révèle la nature du champ protecteur et un technicien Quinan en prend bien note. Plus tard, un Quinan insurgé aide les Terriens à s'enfuir. Ils finissent par s'introduire dans les quartiers d'Ijuriri qu'ils capturent. Acculés, ils sont sauvés par l'arrivée soudaine de l'Hélios et de 2 autres croiseurs. L'Empire solaire a décidé d'installer une base dans ce secteur spatial. Le fascicule allemand numéro 73, Les Trois Déserteurs, écrit par Cottemore en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 32, La moisson de Myrta 7, paru chez Fleuve Noir en 1975. Myrta 7 est devenu un point stratégique pour l'Empire solaire, car il est prévu, à brève échéance, un contact avec l'univers des Drouf dans cette région de l'espace. Le 3 octobre 2042, Gunther Chelish, devenu commandant d'une gazelle, est fait prisonnier par 3 déserteurs. Oliver Roan, Walter Sutney et Ronson Lauer, 3 anciens Arcadiens. Ces derniers le contraignent à piloter la gazelle pour quitter Algir. Ils ont l'intention de contacter les Arconides pour leur fournir une information secrète, la position de la Terre. Les 3 déserteurs obligent Chelish à les mener à proximité d'une étoile située à 25 000 années-lumière d'Algir. Pendant ce temps, Perry Rodden engage une vaste opération de ratissage de l'espace pour retrouver la gazelle en fuite. Chelish tente en vain d'empêcher les déserteurs de poursuivre leur route. La gazelle effectue une seconde plongée dans l'hyperespace. Le système anti-détection ayant été saboté, elle devient repérable et c'est Mullen qui a la chance de la découvrir et de signaler sa position à l'escadre terrienne. La gazelle émerge à quelques parsecs de l'étoile Latino, où elle est bientôt rejointe par la flotte terrienne. Sutney, ignorant la présence des astronefs solaires, lance un appel hypercom à destination des navires arcanides. Ceux-ci arrivent rapidement, mais, constatant la présence des forces terriennes, restent dans l'expectative. Sutney décide de se poser sur une planète toute proche, Tantal, un monde désertique. Une fois atterri, Sutney envoie un signal de guidage aux Arcanides, signal qui est aussi reçu par les forces terriennes. De son côté, Rawdon prend contact avec les Arcanides et les menace d'ouvrir le feu s'ils approchent de Tantal pour porter secours aux déserteurs. Sutney quitte la gazelle avec Laura et Rowan en emportant, à l'intention des Arcanides, un microfilm indiquant les coordonnées de la Terre. Chelish, blessé, part sur les traces des trois déserteurs. Une altercation éclate entre Lauer et Sutney en désaccord sur la manière de négocier les coordonnées de la Terre avec les Arcanides. Lauer finit par abattre Sutney. Il prend alors contact avec Rawdon, le menaçant de fournir, par radio, les coordonnées de la Terre aux Arcanides si une nouvelle gazelle ne lui est pas fournie pour prendre la fuite. Lauer n'a pas le temps de mettre sa menace à exécution car Chelish a eu le temps de le rattraper. Passant tout près de Rowan et Lauer, il réussit à les faire tomber dans un ravin et à s'emparer de leur microcom, grâce auquel il lance un SOS. Aussitôt, les Terriens viennent le secourir. Ils capturent Rowan et constatent la mort de Lauer au cours de sa chute. On est alors le 15 octobre 2042. Le fascicule allemand numéro 74, La Terreur, écrit par William Voltz en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 41, Les Métamorphes de Moluc, paru chez Fleuve Noir en 1977. La chaloupe K-262, surnommée Le Fonde, se pose sur la planète Epan pour venir chercher le mutant Sammy Goldstein. Walt Scooby et Marcus Everson entrent en contact avec les Panis Mataal, un gladiateur célèbre. Il est conduit auprès du mutant dans un état apathique et repère que ses visiteurs sont des étrangers. Goldstein est emmené à bord du fond et, pour préserver le secret de leur existence, les Terriens se voient contraints d'emmener avec eux Mataal. En vol, l'équipage ressent une mystérieuse présence, comme un fantôme. Agressions et sabotages se multiplient. Plusieurs hommes tombent en état de catalepsie. Mataal se voit accusé par certains membres de l'équipage. Les astronautes préfèrent se regrouper dans le central, ce qui n'empêche pas d'autres victimes. L'hypercom et les propulseurs tombent en panne. Le responsable est apparemment Goldstein. Sur Epan, il s'est découvert le pouvoir de transformer la structure atomique des objets et il a décidé de s'emparer du vaisseau. Toutes les tentatives de l'équipage pour neutraliser le mutant échouent. Néanmoins, celui-ci commence à s'interroger sur la véritable source de son pouvoir. Il est, en fait, sous le contrôle de Mataal. Au cours d'un terrible combat psychique qui se déroule à l'insu de l'équipage, Goldstein parvient à se délivrer de l'emprise de Mataal qui meurt à l'issue du combat. Le gladiateur est en réalité une créature étrangère, échouée sur Epan, un métamorphe capable de modifier sa structure moléculaire. Il souhaitait asservir les Terriens à travers Perry Rawdon et les mettre au service de son peuple. Le fascicule allemand numéro 75, L'univers rouge, écrit par K.H. Scheer en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 33, Les Soleils de Siamed, paru chez Fleuve Noir en 1975. Le 1er août 2043, une grande agitation règne à Terrania, où le nouveau croiseur cuirassé, Kubilai Khan, est préparé pour une mission. Le transmetteur fictif, qui était sur le Ganymède, a été transféré à bord. Atlan, qui supervise les préparatifs, est informé par le général Conrad Deringhouse que Perry Rawdon se trouve, avec la majeure partie de la flotte, dans le système de Myrta, où doit avoir lieu une grande interférence. Quand la confirmation de la stabilisation des fronts arrive, le Kubilai Khan part pour Myrta. le Kubilai Khan se pose discrètement sur Elgir pour ne pas alerter le régent. Celui-ci réagit à l'invasion d'Ruf comme s'il s'agissait d'une simple guerre coloniale. Au moins 30 000 unités ont été envoyées sur le front. Radon propose de faire une incursion dans l'univers des Druf. Des sons de robots montrent que la différence de rythme temporel est maintenant d'un facteur 2. La Californie franchit la faille et échappe de justesse à des Druf. Le vaisseau s'approche du soleil double à 2 années-lumière de la zone des vortex. Il se pose sur la 13e planète, baptisée Hadès par Atlan. La Californie se pose près de montagnes appelées Mont de Bonne Espérance et y creuse une base destinée à rester cachée. Des transmetteurs sont placés à l'intérieur. Les Druf remarquent la présence des terriens et attaquent. La Californie s'enfuit, laissant sur place Radon, Atlan et Fermaloid qui souffrent de dysenterie. Ils attendent que la liaison par transmetteur soit établie avec le Drusus. Quand le transmetteur s'active, 3 jours plus tard, ils le franchissent, mais se retrouvent sur une autre planète. Ils sont confrontés pour la première fois à un Druf, une créature de 3 mètres de haut. Les terriens paralysent la créature, puis ils doivent affronter des robots. Perry Radon reçoit alors un mystérieux appel mental. L'inconnu le connaît, mais il ne donne pas plus d'explications. Il règle le transmetteur et les terriens se retrouvent à nouveau sur Hadès. De là, ils gagnent enfin le Drusus, qui les amène sur Elgir. Le fascicule allemand numéro 76, Sous les étoiles de Drufon, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 33, Les Soleils de Siamed, paru chez Fleuve Noir en 1975. Perry Radon charge Marcus Everson de retrouver la créature sphérique découverte par le sergent Harnahan dans le système de 221 Tatlira, en 1983. Il se rend dans ce système et trouve bien d'étranges créatures sphériques qui reçoivent le nom de Arnaud en l'hommage d'Arnahan, mort quelques années plus tôt. Sur Elgir, Perry Radon cherche à jouer les Druf contre les Arconides pour affaiblir les deux puissances. Le Drusus, la Californie et le Kubilai Khan gagnent le front et aident une nef Druf assaillie par 2 croiseurs Arconides. Les 4 navires gagnent ensuite l'univers rouge. Le Drusus émet un message annonçant sa volonté de négociation. Tandis que du matériel est envoyé sur Hadès, Arnaud montre à quoi ressemble la planète principale du système, Siamed 16. Alors que les Druf annoncent leur accord pour entamer des pourparlers, le mystérieux inconnu, qui avait déjà contacté mentalement Perry Radon, se manifeste de nouveau. Il affirme ne pas savoir qui il est. Arnaud montre qu'il s'agit d'un Druf, un physicien de renom, considéré comme un génie. Les 3 croiseurs terriens se posent sur la planète. Radon est accueilli par un Druf, un émissaire du Conseil des 66. Il est d'accord pour s'entendre avec les terriens, mais il n'a pas l'intention de s'arrêter une fois les Arconides vaincus. L'émir part en reconnaissance avec Arnaud. Il trouve le Druf ami, qui s'appelle Ono. Un autre esprit a pris possession du corps du Druf, et c'est lui qui connaît Perry Radon. Quand Ono échappe à son contrôle, l'émir se téléporte au loin. L'émissaire du Conseil des 66 revient voir Radon. Le Conseil demande à parler au Stellark en personne. Radon accepte et se présente dans une gigantesque arène où siège le gouvernement Druf. Ils soupçonnent les terriens d'être les inconnus qui se sont infiltrés dans leur univers. En pleine discussion, Radon est informé, par l'inconnu, que la flotte du régent est passée à l'attaque. L'émir vient le récupérer. Les nefs Druf décollent en urgence et la Californie est envoyée dans la zone des combats. L'émir apprend, des pensées des membres du Conseil des 66 qu'ils comptent utiliser une arme s'apparentant à un champ temporel. Le Drusus et le Kubilai Khan partent pour Hadès. Rodden et quelques hommes gagnent la base par transmetteur. Quand la Californie revient, elle repart aussitôt, emmenant l'émir et Rodden. Le Mulocastor se téléporte auprès d'Ono, qui travaille sur une arme appelée Fige-Temps. Quand le Drouf pénètre dans le champ d'action de son arme, il est figé par un champ temporel. L'inconnu peut établir le contact avec l'émir. Il prend un instant le contrôle de son corps pour qu'il débranche le Fige-Temps, mais l'esprit inconnu reste actif. Perry Rodden pense savoir de qui il s'agit. Le fascicule allemand numéro 77, Dans les chaînes de l'éternité, écrit par Clark Dalton en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 34, L'errant de l'éternité, paru chez Fleuve Noir en 1975. Toujours sur Hadès, le 14 septembre 2043, Perry Rodden décide de partir en vol de reconnaissance avec le Drusus vers Siamed 16. Lors du vol, il reçoit un appel d'urgence d'Alan D. Merkent et fait demi-tour. Un événement inattendu, lié au passé, vient de se produire. Le Drusus repart pour l'univers normal. Perry Rodden parle à ses compagnons d'Ernst Ellert, le mutant dont l'esprit pouvait voyager dans le temps, et comment il fut électrocuté et son esprit projeté dans l'espace et le temps. Depuis, son corps repose dans un mausolée près de Terrania. Le corps vient de réagir, déclenchant une alarme. C'est ce qui a motivé la paix de Merkent. Perry Rodden se présente dans le mausolée. Ernst Ellert prend contact avec lui en parlant par la voix d'Atlan. Il raconte avoir erré sans trêve, d'univers en univers, se déplaçant à son gré, mais sans retrouver sa propre époque. Quand il arriva chez les Drouf, il resta chez eux. Pour lui, la tête Atlantis remonte à 3 mois. Ellert annonce qu'il va leur fournir les plans du Fige-Temps et du vol linéaire, la technique de vol supraluminique des Drouf. Il leur conseille aussi d'anéantir la grande centrale scientifique et technique sur Siamed 16. Perry Rodden retourne dans le système de Myrta avec le Drusus. Le régent demande une alliance d'urgence avec Perry Rodden, lequel propose d'unir leur navire entre les Drouf. Il propose d'envoyer des croiseurs bombarder Siamed 16. Sur la demande du Terrien, 500 robots de combat Tarkonides sont amenés sur le Drusus. Quand la flotte du régent attaque, Ellert prévient Rodden. Celui-ci avertit à son tour le Conseil des 66, prouvant sa bonne foi comme allié. Ernst Ellert établit le contact avec Ono, révélant sa présence. Il active ensuite un transmetteur, avec lequel les robots de combat, déposés sur Hadès, sont amenés sur la capitale des Drouf. Les robots détruisent tout sur leur passage. Rodden avait demandé l'intervention des croiseurs Arcanides en diversion. En récompense pour avoir prévenu les Drouf à temps, Rodden demande les plans de la propulsion linéaire. Ernst Ellert discute avec Ono qui, contraint, lui révèle plein d'informations sur son peuple. Rodden veut récupérer Ellert, mais celui-ci préfère rester, car il n'a pas encore les plans de l'hyperpropulsion linéaire. Il remet tout de même au Terrien le premier modèle expérimental d'un Fige-Temps. Le fascicule allemand numéro 78, Le sacrifice de Thora, écrit par Kurt Brand en 1963, fut adapté en deuxième partie du volume français numéro 34, L'errant de l'éternité, paru chez Fleuve Noir en 1975. Octobre 2043. 3 mois plus tôt, Thora a perdu, en une nuit, toute trace de jeunesse. Depuis, elle vit à l'écart sur Vénus. Les médecins qui la traitent appellent Eric Manoli en urgence. Les jours de la femme de Rodden sont comptés. Le sérum ARA de longévité a développé une tumeur. Le 4 octobre 2043, le docteur Vinoès propose de confier une mission à Thora pour lutter contre l'apathie qui la guette. Il ne lui donne pas 6 mois. Le général Conrad Deringhouse en informe Perry Rodden. Sur le front, Drufus et Arconide s'affaiblissent mutuellement. Le régent contacte Rodden pour qu'il vienne en personne chercher son navire de guerre que Rodden lui a demandé fin septembre. Le Stellark charge Deringhouse de s'en occuper. Celui-ci propose d'emmener Thora. Rodden est d'abord opposé, mais Reginald Bull le persuade d'accepter. Deringhouse vient chercher Thora sur Vénus à bord de la Birmanie. Elle est folle de joie à l'idée d'accomplir une mission et de rentrer sur Arconis. La frégate arrive dans la zone de combat, alors que le régent met en place un nouveau plan de bataille. Quand le commandant établit le contact avec un croiseur robot, Thora se présente sur le poste central, à nouveau pleine de vitalité. Le régent lui ordonne de venir sur Arconis 3. Quand la frégate arrive dans le système, des croiseurs robots exigent de la prendre en télécommande. Deringhouse refuse. La Birmanie est contrainte de se poser sur Mutral, Arconis 27. Ils sont contactés par Tahal Rel, le commandant de la base, un Arconide décadent. Le régent les appelle. Il accepte de livrer les 100 vaisseaux promis en échange de milliers d'officiers et techniciens terriens. Thora refuse. La Birmanie tente en vain de décoller. Des robots lourds s'approchent pour s'emparer des terriens afin d'obtenir d'eux la position de la Terre. Un combat s'engage entre les robots et la frégate qui n'arrive toujours pas à décoller. Une sonde est envoyée pour dérégler les ordinateurs et les cerveaux P de la base. Des robots terriens, expulsés, ramènent des prisonniers, Tarel et 2 Aras. La frégate peut enfin appareiller. La base explose alors que d'autres unités arconides se présentent. La frégate plonge alors qu'elle reçoit un coup au but. Elle se retrouve à plus de 15 000 années-lumière et échappe de justesse à l'attraction d'un soleil. Les médecins du bord confirment que Thora a bien rajeuni, le sérum a fini par faire son effet. Mais quand Deringhouse vient annoncer la bonne nouvelle à Thora, il est témoin de son assassinat par un des prisonniers, 1 Ara. Thora est inhumée sur la Lune, un mausolée étant construit à l'emplacement du croiseur qui y avait fait naufrage. Thomas Cardiff assiste à la cérémonie, mais il refuse de serrer la main que lui tend Rodden. Le fascicule allemand numéro 79, L'Enfer atomique d'Elgir, écrit par Cottemard en 1963, fut adapté en première partie du volume français numéro 35, La Revanche du Régent, paru chez Fleuve Noir en 1976. Le 23 octobre 2043, Perry Rodden s'apprête à lancer une attaque contre Arconis pour déposer le Régent. La flotte, sous le commandement du général Conrad Deringhouse, est en attente, stationnée à 500 années-lumière d'Elgir. L'annihilateur de fréquence du croiseur Rigel, chargé de l'approvisionnement de la base Hadès, tombe en panne et sa réimmersion au large d'Elgir est détectée par la flotte Arconide. Le croiseur replonge aussitôt sur l'ordre de Rodden. Il se saborde quand des robots Arconides l'abordent. La base terrienne sur Elgir est rapidement repérée et écrasée. Frappée par 5 bombes Arconides, la planète est ravagée par un incendie nucléaire. Rodden, Reginald Bull, Atlan et Fillmore Lloyd quittent la base d'Elgir et se dirigent vers la ville de Verseuil à la recherche d'un véhicule pour s'éloigner de l'incendie et attendre des secours. Ils luttent contre la violente tempête causée par l'incendie et contre des robots débarqués par les vaisseaux Arconides pour capturer des terriens. Ils réussissent à récupérer un triscaf. Réfugiés sur une île, ils échappent de justesse à la mort dans l'incendie, mais c'est un croiseur arconide qui les sort d'Algérie en flammes. Après avoir tenté de porter secours aux rescapés, le général de Ringhouse renonce et décide de ramener la flotte dans le système solaire. La planète Algérie explose. Remis à des inconnides pour être conduit sur Arconis, Rawdon et ses compagnons tentent de s'évader du croiseur. Alors qu'ils se sont rendus maîtres du poste central, le vaisseau est avaisonné par des droufs qui emmènent les quatre hommes dans leur univers. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 2, des fascicules 70 à 79, des aventures de Perry Rawdon, tel que rédigé par Michel Vanheureux. Vous pouvez le trouver à rawdon.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sur contrat Creative Commons, Share Alike, et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour te connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canablog.com. Merci de votre attention. À bientôt.